Au cours des dernières 24 heures, les systèmes de défense aérienne russes ont détruit ou supprimé 22 véhicules aériens sans pilote ukrainiens au-dessus de la mer Noire, a rapporté dimanche le porte-parole du ministère russe de la Défense lors d'un briefing quotidien à Moscou. Au cours de la nuit, 22 drones de frappe ukrainiennes ont été détectés au-dessus de la mer Noire par des systèmes de défense aérienne. Tous les drones ukrainiens ont été abattus par des tirs anti-aériens ou supprimés par la guerre électronique, a déclaré Konajenkov. Il a ensuite commenté la situation dans le Bakhmut. Il déclare « Dans la direction de Donetsk, les escouades de Dassault ont poursuivi leur action offensive et ont pris le contrôle de deux blocs dans les deux parties, nord-ouest et ouest du Bakhmut. » La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a écrit samedi sur sa chaîne Telegram que l'ennemi continue de concentrer ses plus grands efforts dans la direction de Bakhmut. Selon Maliar, les forces armées ukrainiennes font tout pour s'assurer que les tâches militaires de défense de Bakhmut sont remplies. Les combats pour Bakhmut se poursuivent, l'ennemi essaie de forcer nos unités à quitter leur position et cherche des ressources pour renforcer leurs capacités. Dans l'ensemble, la situation à l'est est tendue mais contrôlée, a-t-elle déclaré. Au moment de la publication, les autorités ukrainiennes n'ont pas commenté les déclarations du ministère russe de la Défense concernant l'abattage des drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire. Afrique Média, le monde, c'est nous.